Y'all ready for this? Hey, y'all ready, fellas? Bonsoir et bienvenue comme chaque jeudi soir dans votre émission hebdomadaire L'Antichambre sur Radio Les Bords. La première partie de cette émission sera consacrée au producteur anglais Lack of Afro. On s'écoute tout de suite The Outsider, extrait de son premier album Press On. Continue tout de suite avec un deuxième titre extrait du premier album de Lack of Afro. On va s'écouter Roderigo. Donc Lack of Afro, c'est un producteur DJ, remixeur anglais, multi-instrumentaliste. Il en est aujourd'hui à 3 albums. C'est un producteur assez talentueux qui est caractérisé par une funk assez rugueuse, proche souvent du breakbeat. Ces 3 albums sont sortis sur le label funky break électro anglais Freestyle Records. Donc voilà, on va s'écouter tout de suite Roderigo, extrait de son premier album Press On en 2007, et on enchaînera avec un remix du groupe australien Cooking on 3 Burners. Ce sera un remix signé Lack of Afro, un remix du titre Cook It. Voilà, donc Cooking on 3 Burners, eux ils ne cuisinent pas sur 3 brûleurs, ils cuisinent sur 3 orgues. Comme on a pu l'entendre bien avec ses premiers titres de la Coffe Afro, on peut constater qu'il est très influencé par la funk. Il nous signe aussi quelques titres hip-hop d'assez bonne facture. On va s'en écouter tout de suite trois exemples. Donc les deux premiers sont extraits de son deuxième album nommé My Groove Your Move, donc qui est sorti en 2009. On écoutera International en featuring avec les MC américains Wax et Herbal Tea, et on enchaînera avec Suspicious Glow avec encore Wax au micro, et on terminera sur un remix de la Coff Afro, un remix du producteur Ristless en featuring du producteur Dissler en featuring avec Ristless. Il s'agit du morceau Testament et c'était sorti également chez Freestyle Records. Donc voilà, on va vous laisser encore avec quelques mesures du titre instrumental Mo Feels, extrait lui aussi de My Groove Your Move, avant d'enchaîner avec International featuring Wax and Herbal Tea. Vous êtes avec La Coffe Afro, vous êtes dans l'antichambre sur Radio Allébord. Yo, touch a beer up, pass a troll. We bout to put the gear in the bags and go. We from North Cali. The flow's the North Pole, the lyrics is Death Valley. The originality's an inscription in an Egyptian tomb. We've been sick since we was kids in the womb. The home, it may concern. We got a plane to catch and Mary Jane to burn. We got a date confirmed, off the tour of Belgium. The crowd says thank you, we holler, you're welcome. Play this jam at the Palace of Buckingham and watch all of the guards break into the Running Man. The Southern Man loves the board of guitar. In India, they remix the acapella with the sitar. Catch me in Herbs at the Amsterdam strip bar, or Japan, or Thailand, or Zanzibar. Yeah, this happens to be a classic. Catch us on the cover of National Geographic. In the Congo, playing djembes and bongos with dudes related to Dikembe Mutombo. Catch a plane pronto, fly to Toronto, Ontario. Lack of afro in your stereo. Hey yo, Dunny, we ball from Nepal to Senegal to off the wall. Raw that the world ain't never saw. We level all to all, ready to shovel walls between genres, then lounge in the Bahamas. Touch a beer up, pass a drone. We bout to put the gear in the bags and go. We on the worldwide vagabond traveler show. It's big black currency, international. We international, international. With a passion back in the rational. When we combine with the man with the lack of throw, we make a track on so international. Come on. Jam about your music, man, but I guess not now. Hey yo, turn down your light. quand un producteur anglais remixe un autre producteur anglais, ça donne Lack of Afro qui remixe Dissler, et c'est Riskless au micro pour Testament. Finish, I'll be ripping it well. Hit you with my old English like the Canterbury Tales. It has to be felt, they say we gone off the rails. But there's no foolishness like military cells. I've heard the silicon girl from the age of 14. That leaves me nauseous like raw spleens or veins of morphine. Cause the cause is deep and people skating off in ice like Torben and Dean. Know what I mean? Now I lost my duffel coat. My beating up trainers, they're a running joke. I focus on the antidote, faith, love and hope. I stay loving God, I never listen to the other bloke. So let me tell you how it's gonna be. Cause it's back to square one like there's a scare on. I got perforated edges, I like to tear up. So be aware of the emergency exit. Some few with a few, but few prefer pretending. Few can cope with human nature in the newspaper. Few escape with minor cuts and lacerations. Few can pay the price for insider information. But few too many with fewer higher aspirations. So check me out like an outpatient. I'm on a path to recovery like the South of Asia. All amazing. Testament reveal the truth and your one-twos running on diesel fuel. Now it may seem to you that there's not much use in talking to the people when we're struggling through. Now that crowd's saying he's been touching the grooves. Don't stop like a needle's been stuck in a groove. Stuck, got the boom like sawn off. Metaphorically speaking, I'm not the armed forces. Speak peace till I cease, it's love that we short of. I call time like it's the last orders, it's time. Lack of Afro est revenu sur la scène récemment avec un troisième album nommé This Time, donc toujours chez Freestyle Records. Un album, ma foi, plutôt pas mal. Le producteur gagne en cohérence, peut-être un peu plus doux dans les productions, mais en tout cas on retrouve quelques titres énergiques comme What the Hell avec Wayne Giddens, le chanteur anglais, qu'on va s'écouter tout de suite, et on enchaînera avec un autre mix de Lack of Afro. Il s'agira de The Eddie Roberts Quintet avec Giorgio's Brothers. C'était sorti par contre chez Unique Records. Tout de suite, What the Hell avec Wayne Giddens. Yeah. Pour l'école du sample, on va rester avec Lack of Afro. On va s'écouter dans un instant le titre qui est à l'origine de The Basis de Lack of Afro. Donc c'était sorti sur son deuxième album My Groove Your Move, un titre sur lequel il sample où il rejoue Humpty Dumpty de Marc Moulin qu'on s'écoutera juste après. On ne peut pas dire qu'il y ait une grosse différence entre la version de Lack of Afro et l'original de Marc Moulin. On va plutôt se consacrer à la version Marc Moulin. Donc Marc Moulin, c'était un pianiste et compositeur belge. Il est né en 1942 et mort en 2008. C'est un peu une sorte de touche-à-tout. On peut le considérer comme un des pères de la musique électronique. En tout cas, il s'est livré à une musique assez expérimentale dès le début des années 70 avec le groupe Placebo. Rien à voir avec le groupe que l'on connaît actuellement. En tout cas, on vous conseille le recueil de cette époque qui est sorti en 2006, The Placebo Session 1971-74. Et on s'écoute tout de suite Marc Moulin, Humpty Dumpty. We'll be right back. J'espère que vous aurez apprécié cette première demi-heure, cette première partie d'émission consacrée au producteur anglais Lack of Afro. On a essayé de vous présenter un petit peu un panel représentatif de son travail et de ses trois albums. On va maintenant terminer l'émission avec un low mix funky break, voire carrément un peu plus électro sur la fin. On va enchaîner tout de suite en tout cas avec quelques titres bien funky, voire latin pour celui qui vient tout de suite. Il s'agit de Pete Rodriguez, I Like It Like That, remixé par Aaron Jerome, donc qui revisite le célèbre titre du pianiste portoricain, un titre qui date des années 60 pour son original. On enchaînera avec Renegades of Jazz et Blow Your Horn, extrait de l'album de ce producteur Hip to the Jive, qui est sorti sur le label de Smooth, Ross Records. On écoutera Blow Your Horn et on enchaînera avec encore les Australiens Cooking on Three Burners et le titre Cars. Tout de suite, Pete Rodriguez, I Like It Like That, remixé par Aaron Jerome. dreams all through the night. Blow your horn. Il aime les oiseaux, visiblement, Dilla, le producteur anglais qu'on vient de s'écouter à l'instant avec Birds Are Singing. Juste avant, c'était Skiwiff et Ribby's Revenge, extrait du EP Retropolitan de Skiwiff, donc un producteur Funky Break du label anglais Jalapeno Records. Et on va tout de suite s'enchaîner un remix de Quantique, The Ogiatana Show Band pour Disco Africa, un remix avec beaucoup de basses. On enchaînera avec... avec un titre de Tombi, on enchaînera avec Malente pour Rock Der House, le producteur allemand du label Unique. Et on terminera la session avec un titre hip-hop, Zef and Azim pour That Type of Music, ASS Clap Remix. I'm not afraid to Give me dose, what did you say? I don't know, man, I ain't no DJ. You so crazy, why you say that? Cause you talk to yourself in raps. Oh, what's the only way I can relax, though? Whether it's fast or whether the track's slow. Man, don't be an asshole, that's my nutsack. Please let go. This is that type of music. You have to turn up loud. No matter how we do it, we'll always be around. When you feel aggravated and made to rep your sound, no matter how we do it, we'll never let you down. Y'all ain't too smart now, is ya? I think your dodgeball victims get with the fat chick. Give them all lots of short name for Richard. I don't have to whisper. My chick got rings in her nipples. Set off the metal detector like pistols. 10 pounds of train wreck plus purple and OG Kush. So when the police popped up, I ain't say nothing, just. And I rhyme with a fever. Pull hood raps, head raps, and divas. Rehustle, beating speeches. Sell sand the beaches, even. This is that type of music. You have to turn up loud. No matter how we do it, we'll always be